Les petites histoires de Tell Me. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Je voulais vous dire un mot sur cette histoire parce qu'elle est spéciale pour moi. C'est la toute première que j'ai jamais écrite et diffusée sur le podcast. Elle s'appelait « Les chevaucheurs de dragons ». Mais le titre était un peu trompeur, et puis j'avais une folle envie de la réécrire pour la rendre encore plus chouette. Et comme j'y tiens beaucoup, j'ai demandé à Léa de créer un habillage sonore pour vous plonger encore plus dans l'aventure. Aujourd'hui, je suis ravi de vous faire découvrir cette nouvelle version. J'espère qu'elle vous plaira. Et pour marquer le coup, à la fin de l'épisode, j'ai une surprise pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Les enfants et le dragon. La Gruffe est un petit dragon très doux. À l'école, alors que ses camarades rugissent si fort qu'on a l'impression d'entendre le tonnerre, lui murmure. Quand ils arrivent à cracher de superbes flammes, lui se contente d'un tout petit nuage de fumée. Et dans les combats, il se débrouille toujours pour se retrouver seul et se battre contre son ombre. Alors, tout le monde se moque de lui, même si d'après ses professeurs, il est le meilleur voltigeur de tous les temps. Un matin, alors qu'il part à l'école, il surprend son père inquiet discuter avec sa mère. « Notre fils est le seul de la vallée à ne pas savoir se battre. Je ne pourrai pas toujours le protéger. S'il ne progresse pas rapidement, même le premier humain qu'il croisera n'en fera qu'une bouchée. » Les mots percutent si fort la Gruffe qu'il n'arrive pas à comprendre la suite de la discussion. Submergé par la honte, le jeune dragon s'éclipse, les ailes basses. Une fois dehors, sa gorge se noue, des larmes essaient de sortir, mais il cligne très fort pour les retenir. Comme si le destin avait décidé de l'achever, il tombe nez à nez avec Strophor, le dragonnet le plus prometteur de toute la vallée et le pire cauchemar de la Gruffe. Alors, la truffe, tu vas enfin cracher une flamèche aujourd'hui ? La Gruffe essaye de soutenir le regard de Strophor, mais le chagrin le submerge. Oh, bah ça alors, je t'ai blessé ! Pardon, petit dragon. Les yeux remplis de larmes, incapable de parler, la Gruffe s'enfuit, fendant l'air à toute vitesse. Quand il s'arrête, il ne se trouve plus dans la vallée rocailleuse des dragons, mais au-dessus d'une forêt d'arbres majestueux qu'il ne reconnaît pas. Épuisé par sa course folle, il se pose un instant. Au milieu du bruissement des feuilles, du clapotis d'un ruisseau, du bourdonnement des insectes et du chant des oiseaux, il se sent merveilleusement bien, en sécurité. Malheureusement, cette bulle de paix ne tient pas longtemps, percée par deux voix qui semblent se rapprocher. J'en ai marre des adultes! Pourquoi je peux pas devenir chevalier? Parce que j'ai pas autant de force que vous, les gars? En plus, on manque de bras pour nous protéger. Tu sais, Léa, moi je voudrais devenir cuisinier, alors je t'envie un peu de pas être obligé de défendre le village. Mais enfin, Simon, tu pourrais devenir cuisinier et chevalier. On pourrait partir ensemble, à l'aventure, en quête de plantes, de fruits inconnus. Comme ça, tu pourrais créer de nouvelles recettes, et moi, je tuerais tous les dragons qui nous menaceraient. Pour que tu en fasses des rôtis ou des ragoûts. Vu comme ça, ça a l'air chouette. Mais j'aime pas trop le danger, moi. J'aime bien être au chaud dans ma cuisine. La Gruffe ne veut pas finir en rôti ou en ragoût. Il s'envole, mais ses ailes s'en mêlent dans les branches d'un vieil arbre. C'était quoi ce bruit ? L'aventure qui nous appelle. La Gruffe s'affole. Il essaie de sortir de cette étreinte sans succès. Il manque de force. Épuisé par l'effort, impuissant et saucissonné dans un filet de branchages, il voit Léa et Simon s'approcher de lui. Un dragon ! Il vaudrait mieux partir, on est loin du village. Émerveillée, Léa ne l'écoute pas et s'avance. Les paroles du père de la Gruffe refont surface. Le jeune dragon inspire profondément, ouvre la gueule et crache un tout petit nuage de fumée. Pétrifié, Simon regarde la Gruffe, les yeux écarquillés. On ne te veut pas de mal, on va te libérer. Vraiment ? Oui, je suis sûre que ces vieilles branches doivent te faire mal. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Donc on le laisse là, et on s'en va, alors qu'il a besoin d'aide ? Mais c'est un dragon ! Justement, on peut peut-être devenir amis ? Ce serait trop bien, non ? Imagine les aventures qu'on pourrait vivre tous les trois. Aucun humain n'a jamais été ami avec un dragon. On peut pas être amis, vous nous chassez. Parce que vous nous chassez. Ça suffit, vous deux. Si on te libère, tu vas nous manger ? Non. Bien. Simon, aide-moi. Après quelques coups d'épée bien placés, la gruffe est libérée. Merci. On est super loin de la vallée des dragons. Qu'est-ce que tu fais par ici ? La gruffe leur raconte ce qu'il vit à l'école. Les mots de son père, ceux de cet imbécile de Strophore et la honte qu'il ressent. Léa lui livre son rêve de devenir une aventurière piétinée par les adultes. Simon, lui, s'enflamme en parlant de sa passion pour la cuisine qui se heurte à son obligation de devenir soldat. Soudain, la même idée leur traverse l'esprit. Ils pourraient s'entraîner tous ensemble, en cachette, et montrer aux autres ce qu'ils valent vraiment. Rendez-vous est pris le lendemain, après le goûter. À l'heure dite, le drôle de trio se retrouve dans une petite clairière isolée dans la forêt. Simon déploie un petit chariot pour cuisiner, Léa et la gruffe s'échauffent. Mais Louis Fine de la gruffe détecte des cris de panique. Vous entendez ? Non, quoi ? Des gens crient au loin. Le village doit être attaqué. Il faut aller les aider. Je vais vous amener. On ne sera pas trop lourd pour toi ? Ce sera un bon exercice. La gruffe saisit Léa et Simon par les bras et décolle. Lorsqu'ils atterrissent sur la place du village, tout le monde se fige en voyant la gruffe. Gonflés d'assurance, ils poussent un rugissement à peine plus fort qu'un murmure. Les bandits se détendent instantanément. Leur chef, une géante balafrée, s'approche triomphante. Merci, mes chers enfants, de nous avoir livré ce jeune dragon. Quelle peine vous nous avez épargné! Il va nous rendre riches. Laissez-le tranquille. Dégage, morpionne. Léa essaye de lui donner un coup d'épée, mais la pillarde la désarme sans effort. Simon, lui, est pétrifié. La gruffe s'interpose et montre les crocs. Subitement, la géante devient blanche de peur et s'enfuit en hurlant, imitée par sa troupe et le reste du village. Une ombre gigantesque s'étendait au-dessus des trois amis. Qu'avez-vous fait à mon fils humain ? L'imposant dragon atterrit lourdement sur le sol. Papa, je vais tout expliquer. Inutile, leur fuite parle pour eux. Malheur à vous deux qui n'en avez pas eu le temps. D'une patte, le vieux dragon saisit Léa et Simon. Lâche-les, ce sont mes amis, ils me protégeaient. On ne peut pas faire confiance aux humains, ils vont payer. Ils ne m'ont rien fait. Mais son père l'ignore. D'un bond, il déploie ses ailes et s'envole. Hors de lui, la gruffe file à sa poursuite. La colère le fait bouillir. Et lorsqu'il hurle à son père de s'arrêter, ce ne sont pas des mots, mais une énorme boule de feu qui file s'écraser sur la queue de son père. La surprise lui fait lâcher ses prisonniers. La gruffe plonge, plus rapide que l'éclair, pour récupérer Léa et Simon. Miraculeusement, ils arrivent à s'accrocher à ses pattes. Déséquilibrés et épuisés, la gruffe atterrit en catastrophe. Son père ne tarde pas aussi à se poser, le plus légèrement possible. La gruffe, tu vas bien ? Oui, rien de cassé, enfin, je crois. Mon fils, cette boule de feu ! À ton âge, j'étais incapable d'en lancer une aussi grosse. Depuis quand sais-tu faire cela ? Aujourd'hui, grâce à Léa et Simon. Le père de la gruffe pose son regard sur Léa et Simon qui se relèvent péniblement. Je vous dois des excuses, humains. Voir mon enfant en danger a obscurci mon jugement. Papa, est-ce que je peux continuer à les voir ? Vous avez ma bénédiction. Mais il y a une condition. Sois toujours à l'heure pour le dîner. À ces mots, le père de la gruffe s'envole et les villageois accourent pour les féliciter. Ils ont gagné. Une nouvelle vie remplie d'aventures et de cuisine s'ouvre à eux. Attendez, ça vous dirait de partir à l'aventure avec Léa, la gruffe et Simon ? Eh bien c'est possible, avec la chasse au trésor que je vous ai préparée. Vous trouverez le lien pour la télécharger dans les notes de l'épisode ou sur telming.com. T-A-L-E-N-I-N-G.com.